Bonjour, c'est... Suzanne Barathon, Suzanne Barathon, tu es bien fille de con, là où il va fille de con, on est là le spectrum, on est là le spectrum, on est guéri de ce bon Dieu, on passe une racheuse, on est dans les carrières, on est gêné sur l'île à l'air. Jordan, Jordan, Jordan, Jordan, Et on va y aller, mais on